Et ce sera la seule formation que l'on s'écoutera pas en doublette pour ce soir. Les Nantais de Vosegus, le groupe de Pagan Black qui nous sort un très très bon nouvel effort studio, c'est le deuxième. Voilà, petite consanguinité de la scène folk, black folk nantaise, qu'on retrouve des membres de FT17, Circle of Hell, Infinitium et autres. Le titre de ce soir est un peu long, c'est pour ça qu'on l'écoute en solo. Le titre s'intitule La dernière flamme, extrait de l'album Retourne à la Terre. C'est parti, Vosegus. Et première doublette de l'aspect française, Catacombe. Alors là, on n'est pas sur une formation née d'hier, on est sur un vieux groupe de death qui nous vient de Toulon, actif tout d'abord au début des années 90, en balançant au passage quelques démos considérées cultes par la suite. Puis 2000, voilà, le groupe s'est reformé, puis resplit, et là, reformation en 2018, hein, presque 20 ans après, pour la sortie du premier véritable album studio, début 2023. Une sortie chez Extrême Music, voilà, le label espagnol du chanteur de Evulst. On est sur un death frontal occulte, un peu dans une veine Morbid Angel, Nocturnus ou autre vieux Vital Remains. L'album death se clôture d'ailleurs par une reprise du classique de chez Morbid Angel, Chapel of Ghoul. A noter au passage que Catacombe a très certainement été le premier groupe français d'inspiration Lovecraftienne, comme en témoigne encore le visuel de cet album et puis l'ambiance assez globale. Et puis vous allez voir, je vais me péter la mâchoire à prononcer le titre du morceau d'aujourd'hui. Au niveau du line-up, on a seulement deux membres d'origine, bassiste chanteur et guitare lead. Et les deux autres Zikos sont notamment le batteur de Necrowatch. Bon, on va lancer un petit peu le level de la chose. Hardmind en doublette avec Catacombe, voilà le groupe de hardcore venu de Rennes qui nous balance un nouvel EP. 7 titres, intro comprise, des titres plutôt courts, hein, 1 à 2 minutes, ça tabasse, ça défouraille, c'est rennais, ça pue, c'est crade, c'est violent, et on aime ça. Catacombs, Servants of the Old Ones, non ça va, je crois que c'était un titre d'album en langue des grands anciens. When the Stars Are Right, et on s'écoutera ensuite Hardmind, Never Surrender, en toute sobriété, extrait d'album Endless Fall, c'est parti. Is what I'm saying. Et voilà, la doublette suivante nous permet de clôturer tranquillou l'aspect française de ce soir, avec une dernière nouveauté dans l'aspect française. Et on aurait pu presque faire une doublette toulonnaise, puisque après Catacombe, on va se découvrir Antagonisme, une formation bien plus récente, hein, en même temps c'est pas dur par rapport à Catacombe. Groupe de trash actif depuis 2016, ils sortent leur second album studio, toujours en autoprod. 10 minutes pour 10 titres, pardon, pour 40 minutes d'un trash bien old school, d'inspiration des premiers Metallica. C'est quand même été bien exécuté. Pas renversant non plus, voilà, et ce qui gâche un petit peu, c'est cet accent bien franchouillard du vocaliste. Enfin bon, Antagonisme, cependant, ça fait le job et c'est très plaisant à s'écouter. En doublette, on aura Ordalie, groupe de black qui nous vient de Grenoble. Le groupe existe depuis une bonne dizaine d'années. Une démo en 2015 seulement, et là, le premier véritable album. Court, cependant, 5 titres. Plus intro ou trop pour à peu près 35 minutes. On est sur un black assez martial et froid et violent, hein, qui n'est pas sans rappeler la scène suédoise, avec en tête de liste Marduk et Funeral Mist. Les présentations sont faites pour la doublette à venir. Hop, hop, hop. Antagonisme, First In, First Out, extrait de l'album du même nom. Ordalie, ensuite Destroyers, extrait de l'album Mass of Perdition. C'est parti. Kill everything alive, living the death machine. On s'approche tout tranquillou de la fin de l'émission, le temps de s'écouter encore quelques petites doublettes bien croustillantes et savoureuses. Tout d'abord, fin formation de punk hardcore qui nous vient de Denver, au Colorado, active depuis une demi-douzaine d'années. On est sur un groupe bien vénère d'inspiration Year of the Knife, quand même un peu moins agressif, hein, quelques petits éléments post-hardcore par-ci par-là. Voilà, c'est emmené par une chanteuse qui est quand même vachement bien agacée, hein, c'est très très viscéral ce qu'elle nous propose. Et une autre formation emmenée par une femme, pareil, qui est zéro dans la tendresse, Dryad, hein, qui a bénéficié d'un petit focus il n'y a pas longtemps. Autre formation américaine, donc qui nous sort son premier véritable album chez Prosthetic Records. On est sur un Black Crust proto-BM à la sauce Celtic Frost LME. Rythmique, voilà, vachement. 10 bits, des nappes de clavier et puis un chant ultra agressif et bien dégueu. Voilà, Dryad, c'était une excellente découverte de ce premier trimestre 2023. Fin, le titre Opus, extrait d'album Your Life and Nothing Else. Dryad, le morceau Bottom Feeder, extrait d'album The Abyssal Plane. C'est parti. Let's go! avant-dernière doublette de ce soir, on va s'écouter la dernière nouveauté de l'émission pour aujourd'hui, et pas des moindres, notre formation finlandaise, Torso Fuck, le groupe qui est aussi toujours entre Brutal Death, Slam et Gore Grind, qui s'est reformé l'année dernière. Absolument improbable ce retour, le groupe a déjà prévu des lives, et surtout il nous démoule un nouvel album. Voilà. Alternance entre période d'activité et de séparation depuis la fin des années 90, une sortie d'album chez Morbid Generation Records, c'est seulement leur second album studio, hein, presque 20 ans après l'ultra culte érotique Diarrhea Fantasy qui avait vu le jour en 2004. 9 titres pour 32 minutes, on va pas bouder son plaisir cependant, hein. Grosse utilisation toujours de samples, presque à outrance, mais bon, le style veut ça et c'est toujours très bien fait. Batterie programmée comme sur le premier album, et c'est toujours le même line-up d'ailleurs qui constitue Torso Fuck. Voilà, gros plaisir de voir le groupe de retour en studio, d'autant plus savoir qu'ils font des lives. Megaton Sword, ensuite groupe de Heavy Epic Suisse, une autre sortie Dying Victims. Petit clin d'œil du coup du côté de Gatekeeper et même des vétérans type Mania Road et Serious Angle. C'est heavy, c'est épique, c'est un peu doomy, c'est surtout catchy, et bah, ça fait très très bien le taf, hein, les petits Suisses à voix sec. Torso Fuck, Necro Pervert, Postpartum Ecstasy, extrait du nouvel album qui vient juste de sortir. Megaton Sword, Might, extrait de l'album, tout en sobriété, Might and Power. Allez, ça va être l'heure de se quitter, le temps de s'écouter une toute dernière doublette pour ce soir. Et une doublette qui ralentit pas forcément, hein, c'est vraiment sur le credo de l'émission d'aujourd'hui. Trestorn, tout d'abord, c'est du trash, ça nous vient de Santiago du Chili, formé il y a une bonne douzaine d'années. Ils sortent là leur premier véritable album studio, avant ça quelques démos par-ci par-là. Pour le reste, la recette est forcément très simple et entendue, hein, ça vient du Chili, c'est du trash, c'est une sortie des Young Victims, ça dégouline le old school et le true heavy metal. Petite touche cependant de tech à la sauce Forbidden, voilà, gros plaisir, et puis bien sûr les grosses inspirations Sepultura, Demolition Hammer dans le style. Et pour clôturer l'émission de ce soir, Depraved Murder, le groupe de Brutal Death qui nous vient d'Indonésie, actif depuis pareil une petite douzaine d'années, ils sortent là leur troisième effort studio chez Comatose Music. Un duo qui rigole pas des masses, les titres sont expédiés en 3 minutes, un putain de rouleau compresseur brutal et groovy à souhait. Gros plaisir de s'écouter encore une fois un groupe tel que Depraved Murder. Au niveau de la musique, Trustorn, le morceau Insanity, extrait d'album Into the Void, Depraved Murder, ensuite False Adoration, extrait d'album Unethical Terrestrial Collapse. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une émission en direct. Ciao ciao.